un tournant décisif qui l'amènera plus tard à écrire son chef-d'œuvre 1984. Je recevrai le philosophe Bruce Bégou à dimanche prochain donc. Alors dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour son émission État d'esprit. Très bonne soirée à tous.